l'honorable Michel Ladilouya, plume d'or, visa 2000, l'honorable PDG Somida. Placide Kamanzi, Mama Kaiko Makolo, Otis Molongo Longo, Kindi Tour du Monde, Didier Masaya, André Pindina Hollande, Dani Tumba, Production na Rotterdam. Alice Baba, Sala Ata, Libango Yo Yakamanga, Batsa Yangona Katia Misere, Pato Batala Kae, Bonzeba Atona Papote, Yaba Bourgeois. L'élégance est à son mot, intellectuel qu'il est, n'a pas tu fait à Kili Kili, Bolongola est n'arrangé à Boussoba, à Salapo, à Sunga, Bajen, Yafrika Mobimba, Alicie, le roi d'Afrique, le PDG Emamila, Moutou Eloma, Didi Mboma, Aziza Bukila. Les nyongo ni zimbala bien jumbala A Chokuba il est bekongi rolex Alice Baba sala atali Bango yo yakamanga Batia yango na katia mise Bando batala kaye bonsema Ato na pena bote ya bamba Na elegance ya somo Intellectuele kile Na batite ya kili kili Bolo mbola ya anje ya Jackie Sono, sortie officielle. Lili Nibandi, Olivier Sono. Babisada, Sampayo Mbayo, Dipay Fomo. Junior Funda. Jean-Pierre Dimona, Jacques Dimona, Ivala Kendo, Doyen Chic. Gina Mamale, Kindese, Chiquito Toussama. Alice Baba Tamale Kaka, Ati Kaka, Sebilemo. Ici Katia Kamatame, Bato Bako Sekeao. Roger Lutonadio, Père Gongo Bila, Florent Pambani. Alice Baba Tamale Kaka, Ati Kaka, Sebilemo. Ici Katia Kamatame, Bato Bako Sekeao. Beazi de London, Sakupu Solola, Medar Simba, Serge Fuengi. Bébé, t'as eu le meneur naturel, Godé Yamba. Moro, Tani, Moro, Mani, Alicia, ta maman. Papa, mon arami, mon oyati. Manen, on t'ingi, bienvenue, Bangasele, Zamo, Kema, Kambo. Moro, Moro, Tani, Moro, Moro, Mani, Alicia, ta maman. Papa, mon arami, mon oyati. Tonton Tiamouna, Papi, Wei, Mingle, Demiki. Inspecteur de la coiffure. Alice Baba, les rois d'Afrique, Titi les Valois, et pour la révolution, Marie Kamboma, Kiko Tanzami, Nyere Binda, Ani Manaka, Mathieu Mateusé, Kwara Mboka, Yadeli, Yadeli Bebele, Erase Bebele, Piero Manzangala, Andorosa.